Ce feu est temporaire, c'est-à-dire qu'il est implanté ici en raison de travaux qui imposent une circulation alternée. Ce feu, d'abord jaune clignotant sur le feu inférieur, vient de passer au jaune fixe au milieu. Il va donc passer au rouge sur le feu supérieur. Entre le début du rouge et le début du jaune clignotant en sens opposé, il s'écoule un temps mort qui permet à tout véhicule engagé de dégager la zone de travaux, mais qui ne m'autorise pas à suivre cette voiture. Le jaune fixe oblige à s'arrêter. Réponse B.